passer, vous savez, c'est poussiéreuse. C'est la seule voiture qui passe deux fois par mois au village, quoi. Boum, la poussière sort, tu seras le premier à faire comme ça là. Vous bloquez pas, frère. La poussière, parce que je n'ai pas habitué, tu es habitué au goudron. Alors lui, il a habitué à la poussière. Un chrétien, c'est un villageois qui vient arriver et essayer de copier et un peu de faire de la paix. Je vais commencer par là, fondamentalement pour les autres. Je vais parler de la nature du chrétien à répondre à cette question. Lorsque vous lisez la Bible et que vous saisissez que les chrétiens sont comme des plantes, comme des semences plantées, qui doivent grandir, et si vous tournez vers la semence, le développement de plante, c'est que la plante est censée dessiner et c'est comment ça doit grandir, vous n'allez pas avoir d'ambiguïté au niveau des chrétiens. Regardez dans Jean chapitre 1. Recevez avec douceur la parole qui a été et qui peut sauver votre âme. La parole qui a été plantée en vous. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 25, il dit que vous avez été rejeté non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et par permanente de Dieu. D'accord? Cette parole-là, c'est la semence. Le chrétien est un villageois. Donc, quelqu'un qui a une certaine nature brute, normalement, mais qui est invité en ville, se déplace pour la ville, et va maintenant se débarrasser de ses habitudes de la villageoise pour s'accoutumer des méthodes de faire de la ville. Tel est le chrétien. Nous sommes par nature. Par nature, nous avons grandi par nature dans la jungle, dans cette jungle des mondes de perversité. D'accord? Et puis, on nous fait voyager au travers du sang du Seigneur Jésus-Christ dans une nouvelle dimension de cette même terre, parce que le village et la ville se trouvent sur la même terre. La seule différence, c'est qu'ils sont éloignés et l'autre est plus développé que l'autre. On quitte une civilisation vers une autre civilisation plus développée, plus modérée, plus moderne. Celle appelée donc la civilisation du royaume des cieux. Et donc là, il y a des principes. Le problème, c'est que tu as voyagé d'un point vers un autre point avec des mentalités et des comportements, des caractères qui ont grandi, dont tu as grandi avec, dont tu es habitué. La nature du chrétien. Il attend lorsque les versets vont commencer à venir, il attend jusqu'à ce que la direction soit donnée pour qu'on donne. Il veut continuer à attendre jusqu'à ce que cette direction soit donnée. Alors, lorsque vous mettez la semence dans la terre, que ce soit du haricot, vous avez un grain de haricot, vous mettez sur la terre, dans la terre, vous attendez à ce que le but de ceci, c'est que ça produise. Le but, si vous le gardez bien à l'esprit, j'ai une semence. Quand je mets dans la terre, le but, c'est que ça produise des semences. Mais je les mets dans la terre, je ne m'attends pas que lorsque ça soit sorti de la terre, je ne m'attends pas. C'est que si je connais le principe, je ne m'attends pas à ce que là, lorsque ça sort de la terre, j'obtiens directement les semences. Il y a un processus qui doit se dérouler. Et dans ce processus-là, il y a des choses. Les tribulations, les semences parcourent les saisons pluvieuses, les saisons orageuses, les saisons sèches et autres là-bas. À la saison sèche, il va devoir s'accoutumer lorsque la terre se sèche pour essayer d'avoir seulement la fonction minimale pour pouvoir absorber. Lorsque ça traverse, la première pluie vient, il absorbe, il dit, oh, gloire à Dieu. Il n'a pas fini de dire gloire à Dieu que le vent est venu pour lui donner le fruit maintenant de résister lorsqu'il y a la nourriture. Vous voyez ça, frère? C'est le symbole pour nous indiquer quelle est la vie de la semence à produire. Or, Jésus dit dans ces livres de Jean, chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous allez vous porter du fruit, donc vous fruit. Maintenant, le chrétien, donc, étant quelqu'un qui est par nature animal dans ce monde, c'est par la nature, c'est-à-dire sauvage. La Bible appelle le chrétien les sauvages rachetés. Vous savez ça, frère? Dites un peu de comment vous voulez. Mais la Bible dit, je ne dis ce que la Bible dit là. La Bible dit que nous appelle les sauvages. D'accord? Les oliviers sauvages. Vous avez entendu ça, frère? Les oliviers sauvages. Hein, c'est ça? Je voulais que vous me donniez le passage. Nous sommes les oliviers sauvages. Et on nous a coupés pour nous hanter quelque part. Et on ne porte pas par nature la nature de l'arbre qui doit être censé nous porter. Nous venons avec une vraie nature. D'accord? On doit s'accoutumer avec les sèves qui portent la racine. C'est ce que Romains 9 nous enseigne. C'est ça, n'est-ce pas? La nature des chrétiens. Mais il y a une réalité qui se trouve dans les chrétiens, c'est qu'il est quitté de la mort à la vie, bien qu'étant vivant, sans avoir passé par le processus normal de la mort naturelle. Quelque chose s'est passé dans l'esprit. C'est que la vraie nature de l'homme à l'intérieur a été renouvelée. Il doit maintenant faire face entre ce que son intellect a pris et s'accoutumer avec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Vous savez bien ce que je viens de dire. Quelqu'un qui est habitué à marcher 100 km, il n'a pas de problème de vélo. Il n'a pas de problème dans le village, il marche 100 km, il passe dans les brousses, il passe dans la brousse. Il arrive avec les herbes, il tord les herbes avec les pieds. Quand il arrive quelque part, toi qui vas en ville, tu sais que tu te déplaces en voiture. Quand ça va pas, il y a la moto. Quand ça va pas, il y a le bateau et autres là-bas. Tu arrives avec lui, tu te dis que le champ, tu dis, le champ, on dit c'est là devant. Pour lui, c'est là, là devant. Tu ne fais que marcher, il part. Vous avez quitté dans la nuit pour y aller. Le matin arrivé, le chant des oiseaux, le soleil sur ta tête, vous ne pouvez que aller. Lui, ça ne le dérange pas. Vous voyez, son pied est dur comme le caillou, comme ça, quand le pied de Makana qui s'irrite. Il ne peut que avancer. Une fois que ça avance, tu marches, tu es fatigué. Tu dis, non, je vais rentrer ici. Il dit que non, c'est là-bas des vents. Lui, il est habitué à marcher comme ça. Donc, s'il vient en ville, vous avez des problèmes avec le marche, alors, lui, il n'a pas de problème avec. Parce qu'il est habitué. C'est ce caractère qui s'en dit que c'est inné. Il a grandi avec cela. Il ne sent pas le besoin. Un enfant comme ça qui grandit en ville, que lorsqu'il veut dormir, on cherche la moustiquaire pour que ça ne le pique pas. Qu'il aille à la guerre au village, vous allez voir. 2 minutes, vous allez voir sa face gonfler comme quelqu'un qui a des abcès partout. Pourquoi? Parce que les moustiques sont pas, ils ne sont pas aboutis aux moustiques. Mais le garçon au village joue torse nu partout. Pendant que tu as vu les bagarres avec les mouches partout, lui, il ne jette pas cela. Ces caractères, ils boivent l'eau du marigot. Il m'a dit que non, à l'école, on dit que l'eau potable doit être claire. Il dit pourquoi? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas tout cela. Inodore, incolore. Ça va, les algues de gluant sont en bas. Il fait. Il boit propre. Il dit bois. Tu bois la prochaine fois, tu es couché dans le lit. Il a des caractéristiques, des choses innées en lui qui fait de lui. Il est un homme. Vous avez les mêmes corpulences, les mêmes choses, les mêmes vigueurs peut-être, mais à l'intérieur, c'est toujours certaines mentalités. Cette mentalité là constitue donc son être interne. On construit son être interne est formé autour de cela. Il voit un tronc d'arbre avec les piquants tout autour et les fourmis sont là. Il met son banc là-dessus, il avance, parce qu'il a vu, un banan en haut. Vous voyez, ces ventes sont des traîtres, vous croyez que c'est la marque des scarifications. Après, quand il descend, fou, ça dépend encore pour descend. Quand tu mets ton banc sur le jeu, tu ne peux pas, tu descends. Lui monte, il descend. Vous me suivez, frère, la nature du chrétien, c'est un villageois qui vient se déplacer dans une ville et doit maintenant s'adapter et s'accoutumer de la façon de faire de cette ville-là. La personne qui est en haut au village ne traverse pas la route comme ceux du village. Quand il va au village, quand il a tué la biche, mais ici, il traverse les pistes. Il ne regarde pas ni à gauche, ni à droite. Mais vu qu'il vient en ville avec ces mêmes biches-là, il va rester, je pense, comme ça, la même 4 heures. La voiture va venir, il va courir là-bas, la voiture vient, il rentre encore d'abord comme ça là. Que ben, on veut, genre ici, il va rester comme ça, vous allez traverser, allez, qu'est-ce que vous allez faire, il est là-bas, il est en train de chercher comment traverser, parce qu'il n'est pas accoutumé à cela. Il va désormais commencer à s'habituer avec ces façons de faire. Il va seulement savoir comment, quand on traverse, quand c'est rouge là, ça se pose donc que la voiture va s'arrêter, donc moi il peut traverser. Ainsi, il va s'accoutumer, parce qu'au village, il n'y en a pas. D'accord? Alors, se trouve donc dans le camp des chrétiens tout un code. Tout un code. Le code du nouveau royaume dans lequel nous entrons. C'est pour cela que donc, les dons sont donnés. On dit qu'ils sont donnés pour le perfectionnement. Quand on dit perfectionner, c'est parce que les gens ne peuvent pas venir parfait comme Dieu le veut. Mais il y a un fondamental qui est déjà mis là-bas. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc le niveau fondamental est appelé le niveau de très sainte foi. Donc ce niveau-là, le niveau basique que tous les chrétiens ont, c'est ce qu'on appelle la fondation. Vous êtes là. On fait la fondation, on creuse, on met la fondation, on appelle ça dans le monde spirituel, du côté des chrétiens, la très sainte foi, votre très sainte foi, comme ça c'est appelé. On est vous édifiant sur cette foi-là. Donc, la très sainte foi qui a été transmise, qui est la base fondamentale de chaque croyant, tous les croyants du monde entier, tous ceux qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, le niveau de même foi est donné à quelqu'un, à chacun. On dit donc, chacun doit se bâtir à partir de ce niveau-là. Ce niveau-là, on doit construire à partir de ce niveau. D'accord, frère? De ce niveau-là, c'est développé des choses. Allons-y maintenant, un petit merci, frère. Prenons celui de Dieu qui est là toujours. Tout à l'heure, lorsque nous parlions des paroles pour Dieu, nous avons vu, ensuite je sais, n'est-ce pas? Nous avons maintenant. Dieu qui est. Oh. Dieu notre Père vous bénisse. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, je vais partir de cette fois-ci. Selon vous, tout à l'heure, lorsque nous parlions des 5 choses, des paroles prophétiques, nous avons lu verset 10 au verset 19, n'est-ce pas? Nous avons lu le verset 3 jusqu'au verset 9. Je vais vous suivre très attentivement. Étant de parler de cette sainte foi sur laquelle notre foi est basée, qu'il faut construire là-dessus. Regardez bien. Comme sa divine puissance nous a tout, nous nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça devient plus puissance nous a. Pas que ça va nous. Vous voyez les phrases pour elle. Mais comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Vous avez fait, c'est un point, c'est une phrase longue ici. Mais je suis obligé de m'arrêter pour que c'est ce qu'on a nous dit. Il y a les virgules. Si vous permettez, je lis d'abord jusqu'à la virgule, puis je reviens doucement. D'accord, regardez bien. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participantes de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela. Vous voyez, il y a pas encore des points. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à vous voyez que le niveau fondamental, c'est la foi. Le prophète Jude, dans le Jude, verset 3 jusqu'au suivant, il dit, comme j'ai souhaité vous écrire au sujet des deux fois communes, je me suis senti poussé pour écrire à ceci parce qu'il s'est glissé parmi vous, voyez, n'est-ce pas? Au verset 21, verset de Jude, il dit que vous bien-aimés, vous édifiant, vous recevez du très saint pain, priant par le Saint-Esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce niveau, c'est que la foi de Pierre a dû parler également ici. Regardez bien, il est à cause de cela, même verset 5, faites tous vos efforts pour joindre, ajouter. Vous voyez, n'est-ce pas? Ajouter, on commence à mettre. Vous savez, quand vous faites ces choses, vous faites des constructions, des jeux d'enfants, où on fait des choses, après des choses, pour faire ressortir une figure. Vous donnez un système de jeux qu'on a saccagé, pour joindre telle chose, juste parce que la face, la figure de la chose, de la maquette puisse sortir. Il dit que, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, première chose, foi, la vertu. Vous avez vu? On va venir dans cette étude-ci, ce qu'il veut dire. Alors, le chrétien, remarquez très bien, il dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Regardez bien, la divine puissance a déjà donné au chrétien quelque chose. Mais quelque chose doit être bâti en nous. Il a donné quelque chose. Nous avons tout. Il dit afin que nous participions à la nature divine en fuyant. Or, on parle comme ça aux chrétiens. Ils doivent participer. Pour participer à la nature divine, il faut fuir la corruption qui est dans le monde. Parce qu'on ne peut pas marcher dans le monde avec les choses du monde et étant chez Dieu. Vous suivez ça, frère? C'est pour ça que étant au carrefour comme ça, ce n'est pas la position. Alors vous allez voir, pêle-mêle dans ce livre d'Éphésiens, je peux les 4 quand tu as lu le verset 30, avant de lire là-bas, au verset 17 d'Éphésiens, notice là. Éphésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 25. Vous avez noté? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 25, chapitre 3, verset 1 au 10, Colossiens chapitre 3. Vous m'avez pris. Il dit Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 25. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 10. Le chrétien dans sa marche, dans sa nature, puisque nous voyons dans la nature des chrétiens, la nature, c'est la manifestation de son intérieur à l'extérieur. C'est ça qui est sa nature. La nature du chrétien, c'est la manifestation de son extérieur, de son intérieur, qui s'illumine à l'extérieur pour qu'on puisse savoir ce qui est à l'intérieur. Regardez toi attentivement. Le chrétien, fondamentalement, a trois niveaux. Le chrétien a trois niveaux de nature à manifester. Lorsque vous croyez que vous êtes celui du Saint-Esprit, il veut que vous me suivez très attentivement. Lorsque vous croyez que vous êtes celui du Saint-Esprit, en réalité, écoutez très attentivement, en réalité, nous sommes ressuscités. Il veut que ça pénètre plus doucement. En réalité, nous sommes ressuscités. C'est ce que la Bible déclare dans Colossiens, dans Philippiens, Éphésiens chapitre 2, verset 6 et suivant. Nous sommes ressuscités avec lui. Il ne dit pas que nous serons ressuscités avec lui. Ça, c'est un autre niveau de chrétienté. Il dit que nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, Pourtant, physiquement, nous sommes sur la terre. Nous débattons encore pour chercher de quoi manger jour après jour. Mais il dit que nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec lui dans les lieux. Voilà le premier niveau de réalité. Alors, ça veut dire qu'on a fait la transmutation, la transplantation. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14 dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part dans l'héritage des saints dans la lumière. En lui, vous voyez ça, n'est-ce pas? Il nous a il ne pas ça, on va faire quelque chose au Père là. Il nous a il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a quelque chose se fait d'abord. Il y a une opération qui se passe. Il faut que la nature change. Il faut que la nature change. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez ça, frère? On était dans les ténèbres. Il dit dans ce petit Ephésiens chapitre 5, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres, Ephésiens chapitre 5, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit que marchez donc comme les enfants de la lumière. Deuxième niveau, la marche. Donc la marche, c'est la manifestation de la nature qui est en nous. C'est pour vous, c'est n'est-ce pas? Maintenant donc, il y a le niveau assis, le niveau de la marche. On va avoir un autre problème niveau maintenant. Et on va tourner tout autour. Dieu vous en. Comment tu sais que tu es chrétien? J'ai donné ma vie à Jésus en 1980. Comment tu es chrétien? Un évangile était passé là, il y avait aspect tout ce qu'on fait, on se voit. Tu parles. C'est la Bible qui est le thermomètre. C'est la Bible qui est le quoi? Le thermomètre. On est assis d'abord. Parce que Christ est sauvant, te donne le repos. La prochaine, assise, quand vous marchez, vous êtes fatigué, vous êtes comment, frère? Hein? Donc, lorsqu'on est délivré, il nous fait asseoir d'abord. Avec lui dans les lieux célestes. Mais dans la réalité, nous avons une marche. La marche, donc, a pour but de venir accomplir cette chose qui a été réalisée. La marche, donc, a pour but de venir réaliser, accomplir cette chose qui a été réalisée. Quand il te sauve, il te fait asseoir. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Il te donne le repos. D'accord, frère? Alors, ça, c'est ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des films quand on joue, on montre d'abord la feu. C'est pas ce que vous connaissez chez les scénarios. On montre d'abord la feu. Et puis, on dit, 3 ans plus tôt, on commence maintenant pour expliquer l'événement qui a abouti à ceci. C'est ce genre de films que Christ a tourné avec nous. C'est ce type de scénario. Il n'a pas fait genre le film qu'on appelle, on parle de suspense en suspense. De suspense en suspense, on ne connaît pas la fin. Il a mis la fin du film. Il a dit, réalisons cela. Ah, frère, je peux encore crier là maintenant. Donc, dans le film, je sais déjà que j'ai la victoire. Donc, quand tu vois le film, tu peux mettre pause. Tu sais que, donc finalement, je crois que j'ai compris que ça va tourner vers eux. Donc, quand il va arriver, il sait que le chef bandit sera, il va mourir. C'est pas ça, frère? Parler de Christ assis à la vie. Alors, lorsqu'il a réalisé ces choses-là, il a dit maintenant, ok, commençons maintenant ici. On commence. Vous venez avec moi? On commence. Ouvrez Colossiens chapitre 2, verset 6. Allons-y, doucement, rapidement, rapidement. Vous allez me lire cela. Il dit, on va lire. Je vous ai demandé de noter Ephésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Frère, je vous ai demandé de noter Ephésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Ephésiens chapitre 2 nous dit clairement que nous sommes ressuscités ensemble, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Maintenant, il dit, Colossiens chapitre 2, comment celui-là? Colossiens chapitre 2, maintenant, lisez le verset 6 à haute voix, de façon synchronisée. 1, 2, 3, on y va. Stop. Quand on a reçu, on fait comment? Donc, maintenant qu'on a reçu, on commence à faire quoi? Donc, Christ devient dans notre chemin. N'avait-il pas dit, je suis le chemin? Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est les trois niveaux dans lesquels la nature décrétée se trouve en réalité. Parce que le chemin par lequel tu marches, la vérité, tant que tu marches cette vérité-là sur le pont, il faut aboutir à quoi? À la vie. Or, il nous a révélé cette vie-là, il nous a donné. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Mais nous sommes assis là-bas, mais curieusement, nous sommes ici. Donc nous marchons dans la réalité de ces choses-là pour aller accomplir cela. D'accord, frère? Gardez bien la question à l'esprit. Alors, ainsi donc, maintenant que nous avons reçu Christ, Marchons en lui. Marchons en lui. Donc, le deuxième niveau qu'on constitue, donc, ce qu'on appelle donc la marche. Maintenant, c'est ici, dans ce boulevard, donc, écoutez la communauté, ne donnez pas, suivez-moi tes sentiments. C'est dans ce boulevard, entre le moment où Christ est allé à la croix avec moi, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi, frère? Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est lui-même livré pour nous. Ça, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Je crois que ceci, c'est pas bon, ça n'est pas bon, ça n'est. Alors, lorsqu'il est mort avec moi à la croix, quand il est ressuscité, nous sommes restés ensemble. Pas vrai? Et spirituellement, nous sommes assis ensemble avec lui dans la vie céleste. Pas vrai? Maintenant, il nous donne une sainte vocation. Comme nous avons lu là maintenant, la série de 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 et suivant. On passe le temps à affirmer notre vocation et notre élection. Qu'on perfectionne cela. D'accord? Il dit que c'est ainsi que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ nous sera grandement ouvert. C'est parce qu'il dit vraiment. Maintenant, lorsque nous avons reçu ici cette grâce-là, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Il dit ok, allez donc manifester cela. Manifester cela. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, pour qu'ils voient la manière dont ils devaient vivre. Votre vaine manière de vivre, vous aviez autrefois. On voit maintenant. Maintenant, ils voient. Nous sommes dans deux livres maintenant, dans 1 Pierre aussi, chapitre 4. Il dit qu'ils voient dans. Si vous prenez votre livre dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7 en descendant sur verset 11, il dit que aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous livrez plus à ce débordement de la débauche, il vous calore. Il dit que le débordement de la débauche que vous aviez autrefois. Autrefois, vous vivez comme ça. Maintenant, vous vivez autrement. Je ne vais plus en boire de nuit. Dans le corps, je n'en bois plus. Ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis à quelqu'un, c'est la marche dans le Seigneur. La marche dans le Seigneur. Remarquez bien. La marche dans le Seigneur. Ouvrez Éphésiens chapitre 4. Ouvrez juste là dedans. Et marchez de là-bas jusqu'ici. Juste là-dedans. D'accord? Alors, vous dites avec moi. Éphésiens chapitre 4. Je veux que vous lisez de façon synchronisée. Vous êtes avec moi, frère? Quand vous avez ouvert Éphésiens chapitre 4, on nous a dit que maintenant qu'on a reçu, maintenant qu'on a reçu, on marche. On y va? On y va, frère? 1, 2, 3, verset 17. 1, 2, 3. Donc, doucement, doucement. On commence de la même façon. Alors, 1, 2, 3, on dit. Voici ce que je dis, c'est ce que tu as à dire, Seigneur. C'est que nous ne marchons pas comme les païens. Ils marchent dans la voie de Dieu, le français. Donc, le problème avec les chrétiens physiquement maintenant, c'est la marche. Donc, le deuxième niveau de la manifestation de la nature du chrétien, c'est la marche. Alors, la Bible dit dans ce livre de 1 Pierre également que, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Souvenez-vous que chaque pas que vous faites comme ça, vous marchez sur Jésus. Jésus est notre pont. D'accord? Jésus est notre pont parce qu'il a dit que je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc quand il marche, il est devant de nous, il marche au devant de nous, n'est-ce pas frère? Il marche au devant de nous. Alors, la bonne question, sinon l'unique qu'un chrétien doit poser lorsqu'il marche, c'est cette parole-ci, cette part-ci, plaît-il au Seigneur, est-ce la parole de la vérité? Est-ce que tu as marché dans la marche du Seigneur? Si les gens comprennent cela, la philosophie va s'arrêter. Le moi, je ne pense pas que c'est important. Tu sauras que ce n'est pas toi qui dois parler. Est-ce que ça pense comme Dieu? Est-ce que Dieu a pensé ces choses-ci? Est-ce que Dieu a agréé? Est-ce que ceci se trouverait sur le chemin de Dieu? Parce qu'ici, il dit, je dis donc, je passe ce que je vous dis et je vous recommande dans le Seigneur. Donc, c'est un ordre. Il dit, vous ne devez plus. Donc, ce n'est plus votre quoi. Vous ne devez plus vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus. Donc, c'est un ordre. Donc, les enfants du Seigneur ont une certaine façon de marcher désormais. L'être dans Colossiens 2, 6, maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Alors, chaque fois que vous bougez le cul, de faire dans mon esprit, dans mon cœur et dans ma vie physique, la question c'est est-ce que c'est la marche de Christ? Est-ce que c'est la marche de Christ? Il dit vous ne devez plus marcher comme marche les païens qui marchent d'après la vanité de leur pensée. Alors, eux, ils pensent une certaine direction pour mouler leur vie dans cette direction-là. Le chrétien, lui, ne pense pas parce que son chemin est déjà tracé. Il doit y marcher. Et maintenant, le problème vrai, le problème qui se situe dans cette marche-ci, et qui crée l'ambiguïté ou l'embrouille du chrétien, c'est que le chrétien vient donc un autre étape intermédiaire entre, maintenant que tu as reçu le Seigneur, marcher. Doit s'intercaler et agit en lui. On appelle donc ça le renouvellement de l'intelligence. Avant de bouger un pas, du moment où tu as reçu, comme on a dit là-bas, maintenant vous avez reçu Christ, marchez en lui. Avant de bouger le prochain pas, il faut le renouvellement de l'intelligence. C'est pas ce que c'est ici. Alors, parce que quand nous nous trouvons dans Romains chapitre 12, là, il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir votre corps. Donc, lorsque tu quittes ici, tu sais que tu as reçu Christ parce que Christ a donné sa vie pour toi. Tu dois sacrifier pour toi également là-bas. Puis Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui libéré. Donc il vient de se libérer, se décharger de son ego, de son être propre, pour que le Seigneur prenne le contrôle de sa vie. Vous voyez la situation, n'est-ce pas, frère? Il n'y a pas un pied à bouger. Si quelqu'un bouge le pas, lorsqu'il a reçu Christ en disant que moi je pense que il va avoir des problèmes, de longs problèmes avec le Seigneur en route. Il va falloir qu'on lui explique ce qu'on appelle porter sa croix, mourir à soi. Voilà pourquoi tous ces enseignements sont donnés. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout le monde pour leur enseigner ceci. Il va croire au Seigneur Jésus-Christ, il va dire, ah non, nous sommes sous la grâce. Il n'y a plus de condamnation. Parce que Dieu a cru à Jésus-Christ. Avant d'aller jusqu'à lui, il n'y a plus de condamnation. Pour que tu comprennes de quoi il est question. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Écoutez très attentivement. Dans le stade, on court avec des règles. Quand vous voyez les Jeux Olympiques, les stades, les couloirs sont tracés. On met numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7. C'est quelqu'un qui donne le coup d'envoi d'aller. Il y a des règles. Avant qu'on ne fait pas, tu te lèves, tu cours, tout le stade va te regarder. Quand on se braque sur toi, tu cours, soit cours seul. Quelqu'un ne court pas, tu avances. Avance. On va te disqualifier. Il y a donc des gens qui sont dans cette marche qui sont disqualifiés. D'accord? Là, dans le monde, pour tolérer, pour que quelqu'un ne passe pas 4 nerfs à s'entraîner, on vient, on le disqualifie pour deux seuls coups. On a peut-être 2 ou 3 coups. C'est-à-dire qu'on fait pom, tu fais un faux départ. Deuxième faux départ, tu es sanctionné. Donc, dans le camp chrétien, il y a les rings rouges qui ne peuvent pas franchir. Je peux prendre ces choses-là pour vous enseigner ces choses-là. Alors, lorsqu'on a le courir dans cette course-là, remarquez très bien que ce n'est pas toi qui décides de façon que tu vas courir là-bas. Tu viens là-bas, tu respectes les règles de ce jeu-là. Pas vrai, frère? Amen. Tu dis, on te dit couloir numéro 3. Tu cours, tu dis que la ligne c'est trop, ton devient numéro 4. Tu as quitté ton couloir. On ne voit quitter. De toute façon, on ne voit quitter le pasteur à la faute. Même au juste, le but, ça ne se fait pas. Alors donc, dans la marche, je commence à vous saisir bien. Lorsqu'on a reçu, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Avant de bouger, on a reçu. Comment faire pour marcher en lui? La marche dans le Seigneur qui se fait par la foi. On se jette dans le vide où le Seigneur invisible est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans notre chemin? Il a mis à nos côtés les apôtres, les prophètes et autres là-bas pour nous édifier. Pour nous perfectionner dans notre marche, on va tomber. Regardez bien, dans la chapitre 6, verset 1, si quelqu'un a une famille pour qui croit être spirituel, vient à surprendre quelqu'un, celui qui est faible, celui qui est spirituel le soutient. Vous voyez ça, frère? Donc ça veut dire que c'est possible que les gens soient faibles. Regardez, je vous ai dit le verset bien trop. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 20, suivant là-bas en bas. Et Dieu a placé dans le corps chaque membre comme il a voulu. Et même les membres que nous pensons être les moins mûrs sont entourés les plus grands. Dieu a voulu ainsi afin que les membres soient les uns les autres. Donc Dieu a mis faible dans le corps. Oui, ça frère. Voilà. Maintenant, ceci est différent dans la marche par rapport au caractère qu'il faut déconstruire. Il y a des choses qui ne doivent pas se retrouver dans le chrétien. C'est ce que le chapitre 4 là continue. Allons-y, verset 18 maintenant. Une personne va dire, allons-y, verset 18. Du chapitre 4, d'Éphésiens. Allons-y, suivant. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. On parle de qui? Donc ça veut dire que si moi qui suis chrétien, je suis le marché d'après le modèle des mondains, qui invente des musiques, et je vais copier là-bas pour mettre le nom de Jésus. Je veux recevoir mon inspiration de qui? De ceux qui ont l'intelligence. Qui est le roi de l'obscurcisme? Satan, continuons ici. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ça veut dire que les chrétiens ne doivent pas imiter ceux qui ont l'ignorance qui est en eux, parce qu'eux sont censés donner la lumière au monde, pas vrai? Amen. Mais c'est la manifestation qu'on voit au milieu chrétien, c'est que les chrétiens sont étonnés de l'invention mondaine. Alors si les gens qui ont l'ignorance en eux inventent des choses qui étonnent les chrétiens, que dit de notre royaume? Que dit de notre la splendeur de notre royaume? Voilà pourquoi donc lorsqu'on voit l'émission de l'autre côté, on n'a pas les mots pour décrire. Parce qu'on nous a tellement surpris avec les mots. Avançons. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur. Avançons, frère. ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour accomplir, pour commettre toute espèce d'impurité. Joint à la cupidité. Oui. Mais vous. Stop. Soulignez, mais vous. Mais vous, dans cette phrase-là, le Saint-Esprit va mettre la différence entre deux styles de vie, deux groupes de personnes, deux comportements différents, les choses qu'on agrée dans un temps et qu'on n'agrée pas dans l'autre. On dit, mais vous. Puis on va dire maintenant ce qui vous caractérise, ce qui nous caractérise. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christophe. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc vous comprenez effectivement que si on ne nous a pas bien appris Christ, on peut se comporter comme le monde sans s'en rendre compte. Mais le vrai problème, c'est qu'avec la base que nous avons, les différentes exhortations que nous avons subies, les choses que nous connaissons, les films de Jésus qu'on a lus, on va avoir des connaissances là-dessus, mais tout en étant toujours mondain, non régénéré. C'est pas ça, c'est. Vous suivez, frère? Ok, avançons. Si du moins vous l'avez entendu. Stop. Donc, on doit entendre. Alors, Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer. Vous avez le mot? Enseignez-les à observer. Donc, certaines personnes sont là pour enseigner à d'autres à observer. Voici ce que vous devez faire. Le vrai problème au milieu chrétien aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas se laisser enseigner. Pour Christ, le Seigneur, qui a sauvé l'enseignant, et sauvé celui qui a besoin d'être enseigné, dit que tu dois te laisser enseigner. Regardez par exemple l'apôtre Paul. S'il dit que les prophètes se tiennent ici au milieu de vous, il dit que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Après qu'il dit ça, quelqu'un va dire tu déranges. Pas vrai? Tu déranges. Il croit qu'il est qui? Mais pourtant, vous voyez l'apôtre Paul, c'est un petit bout d'homme comme ça. Un petit. Je ne parle pas de ce que vous dites, c'est ce que j'ai vu. Un petit bout d'homme comme ça. Mais regardez l'autorité avec laquelle il parle. Il est qui pour dire que voici ce que vous dites, vous recommandez dans le Seigneur? Il est qui à vous parler au nom du Seigneur? En réalité, qui est en train de parler, frère? Oui, le Seigneur Jésus parle sous l'autorité de l'autre parce que Jésus leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, enseignez-leur à observer certaines choses, c'est tout. C'est pour ça qu'il a dit que si du moins vous avez entendu, vous avez appris, vous avez entendu Christ, bien sûr, on vous a dit la vérité qu'il y a en Christ. Donc en Christ, il y a la vérité. Et on va devoir vous dire cela. Vous voyez donc, frère, le danger de s'initier dans l'enseignement sans en être appelé. Parce que si tu n'es pas appelé là-bas, tu ne sauras pas quoi dire. Tu ne pourras pas dire ce qu'il faut dire pour amener les gens à maturité. C'est parce que vous comprenez. Dans Galates chapitre 3, vous notez chapitre 3, chapitre 4 de Galates, vous allez voir. Les gars avaient reçu de manger et puis, par la suite, quand l'apôtre Paul va partir, les gens vont commencer à s'aimer la loi et autres là-bas avec Moïse et quoi, l'aspersion des sangs ici. Et voilà, dit aux gars dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Vous osez de qui? Christ a-t-il été vain comme crucifié? Celui qui opère des miracles parmi vous, qui manifeste dans spirituel là, ne fait-il pas l'application de votre œuvre de la loi là ou bien par la prédication de la foi? Et je ne sais pas si vous comprenez. Puis il dit aux gars mes enfants, il parle au Galates là maintenant, il dit mes enfants pour qui j'éprouve encore des douleurs jusqu'à ce que. Répétez encore jusqu'à ce que quoi? Donc lorsque Christ n'est pas formé en nous, nous sommes susceptibles de tomber sur les coups de caractère humain que nous avions. C'est ce qui est pas appelé dans la villageoisie anglaise. Ça, il est en train de à la donc il y a des gens, Christ doit être formé en nous. C'est pour ça que la Bible parle de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre dit ça autrement. Il dit que toutes ces choses-là, oh mon Dieu. Donc, notez ceci comme la thèse fondamentale de la 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. C'est là où ça se trouve. Chapitre 2, où nous avons pu ici tout à l'heure, où il a dit que, comme la divine puissance nous a tout donné ce qui concerne, contribue à notre piété et à la foi. Oui, n'est-ce pas? Quand il a fini de décrire cela au verset 8, verset 9, verset 10, il dit que car si ces choses-là sont en vous, elles ne vous laissera pas quoi? Voisir. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, est comment? Stérile. Vous voyez là? Vous voyez le danger, frère? Il marchait en Christ selon ses pensées, et selon les pensées des humains. Je veux que tu te tournes vers quelqu'un droit. Regardez bien quelqu'un dans les yeux pour qu'il dise ce qu'il veut dire là-bas. Regardez, faites l'effort de regarder quelqu'un, voir ce que vous regardez quelqu'un. Regardez bien quelqu'un. Dis, sache ceci une fois pour toutes. Sache ceci une fois pour toutes. Tu n'as rien à modifier dans la vie. Tu n'as rien à modifier dans la vie. Tu n'as plus rien à penser. Tu n'as plus rien à penser. Le chemin a été déjà tracé. Le chemin a été déjà tracé. On doit vivre et marcher comme c'est écrit. On doit vivre et marcher comme c'est écrit. Vous avez suivi ça, frère? Voilà. Regardez maintenant l'apôtre. Pourquoi? Il veut vous comprendre les paroles du Seigneur et ce que les apôtres ont dit par la suite. Il dit 1. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si ces apôtres viennent et enseignent, c'est Christ qui leur a prescrit cela. C'est Christ qui leur a. C'est l'apôtre pour dire que l'évangile vous a annoncé n'est pas de moi, n'est pas d'un homme, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus. Donc, si tu rejettes la parole de l'apôtre, tu la rejettes comme ça. Et dans ce cas, si tu rejettes la parole de Dieu, tu sais donc qui finalement au juste, au juste. Comment tu vas faire? Tu marches donc comment? Nous avons vu ici dans la première partie, là, dans ce livre de Job, chapitre 22, le verset 5, il a dit que si on reçoit sa parole et qu'on garde sa parole dans notre cœur, on reçoit ses préceptes de la bouche et puis on garde sa parole dans notre cœur, non? Si ces préceptes sont donnés, et la Bible nous donne l'injonction que c'est la parole prophétique, nous ferons mieux de lui prêter attention, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Si nous refusons de prêter attention à la parole prophétique, finalement nous marchons où? N'a-t-il pas dit dans cette psaume 119, verset 105, que ta parole est une lumière sur nos pieds, quoi, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers? Si nous rejetons la parole, comment allons-nous marcher? Est-ce que nous avons fixé notre propre standard? Alors la marche chrétienne est importante à comprendre. D'accord? Après avoir reçu le Seigneur, comme il a dit dans ses Colossiens chapitre 2, maintenant nous avons reçu Christ, marcher en lui. Le premier pas à franchir, il y a ce qu'on appelle donc le renouvellement de l'intelligence. Donc Romains chapitre 12, verset 1 et 2, traite de cela. Colossiens, Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 27, traite de cela. Vous ne devez plus marcher. Donc comme tu as reçu Christ maintenant, sache que maintenant, maintenant que vous êtes en crise là, je vous dis que vous ne devez plus marcher. Tu dis, dans la boîte de nuit, il n'y a pas de boîte de nuit chrétien. Il dit, non, si, il savait, il devait sortir. Il devait sortir à partir d'ici, n'avance pas. Donc c'est pour ça que. Ok, maintenant, avançons. Il va parler de ces dépouillements là. Allons-y. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits pour vous dépouiller. Stop. Oui, oui, là, frère. Il dit. Conformément à la vérité qui est en Christ, il dit c'est en lui, en Christ, parce que c'est en Christ que se trouve le lui et le Amen, n'est-ce pas? Il dit c'est en lui que vous avez été. Mais qui a donné ces instructions alors? Qui a donné les instructions? Mais le Seigneur n'était pas sur place. Quand la Bible parle, là, Christ n'est plus sur place. Lui, il n'a pas vu physiquement, pas vrai? Il dit c'est en lui que vous. Il parle aux Éphésiens. Christ était à Éphèse. Maintenant, il dit c'est en lui que vous avez été. Encore, on donne les instructions. D'accord, le président a instruit le premier ministre à se rendre à Douala pour résoudre tel problème. Donc il dit que descend à Douala, il parle à Douala au nom du chef de l'État. Maintenant, quelqu'un ici dit que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Ces choses-ci, c'est l'une des choses les plus importantes que les chrétiens doivent entendre. C'est comme ça, voilà, c'est l'une des choses les plus importantes que les chrétiens doivent. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en Christ dès la première fondation, on doit lui enseigner le principe du dépouillement. Une égard. Ce n'est pas n'importe quel dépouillement. Parce qu'on peut dire dépouille-toi de tes bijoux, dépouille-toi de ton argent, dépouille-toi des habits. Non. Dépouille-toi de tes ornements sacrés. Ici, on dit dépouiller, c'est dépouiller une égard à votre vie. En clair, en langage simple, beaucoup de personnes disent qu'ils ne comprennent pas. On a dit qu'en Christ, on doit vous enseigner à vous débarrasser de votre belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a des choses qu'on doit se débarrasser. C'est ça que vous avez dit. Et continuons. Et à être renouvelé dans l'esprit. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et à être renouvellement dans l'esprit de votre intelligence. Alors, frère, regardez-moi très attentivement. Dans la marche chrétienne, cette étape-ci, vous ne pouvez pas avancer grand pas sans ce processus-ci. Sans ce processus. Aussi vrai que vous ne prendrez pas un grain de maïs, mettre dans du sable et fermer le bocal, vous attendez que ça pousse. Aussi vrai que vous ne pouvez pas avancer avec la vie chrétienne, avec les l'ancienne nature. Vous ne pouvez pas le faire. Vous allez arriver à un niveau donné. Où vous essayez d'intellectualiser le spirituel. Vous allez arriver au niveau où vous allez essayer d'intellectualiser le spirituel et de paganiser le sacré. À alors on peut citer le nom de Jésus, n'importe comment, quand même on peut dire que si quelqu'un prononce son nom, qu'il sera éliminé d'iniquité. La crainte du Seigneur, la crainte du Seigneur. Regardez, il n'y a qu'un écart à votre vie passée où vous avez été instruit. Nous tenons dans le nom de Jésus-Christ. Il dit que c'est en lui que vous avez été instruit. C'est en lui que vous avez été instruit. Nous tenons dans le nom de Jésus-Christ et nous vous instruisons que vous avez à vous dépouiller de votre vie passée. Ça, c'est le rôle des apôtres frères. Alors, comment quelqu'un peut enseigner ces choses s'il n'a pas été appelé? Vous ne pouvez pas. Donc, les côtes de Dieu, allez apprendre n'importe quoi, les règles dans les dépôts, on ne peut pas, on ne peut pas ici, parce que ce sont les choses du royaume. Il faut que l'esprit les prenne et que vous compreniez l'importance. Sinon, vous allez voir des choses que j'attends la révélation des paroles, ou je cherche les révélations. La vie de la marche t'attend. Satan s'en fiche si tu as des révélations qui te blessent le talon. Il s'en fiche de cela. Mais la marche dans la sainteté, il te regarde à distance, il marche au couloir, il te dit que ouais, j'ai perdu le verset, tu avances comme ça, tu me laisses derrière. Il te voit de se marcher. Je te dis, il ne me laisse pas comme ça. Quand tu ne me laisses pas comme ça, il ne dit pas comme ça. Il crée des embûches, avec les tentations pour que tu retournes à gauche ni à droite. D'accord? C'est ce que je me dis. La tentation, chaque fois, même pas, il faut marcher sur cette route sainte là. Il déclare que ni impur ni passé. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? L'un des prophètes qui va frayer un chemin, appelé la voie saine. La voie saine. Il dit que là-bas, même les ignorants ne peuvent pas s'égarer. Pourquoi les ignorants ne peuvent pas s'égarer sur cette route-ci? Parce qu'ils se laissent entre les ailes du vent. Le Seigneur les a conduits. Je suis le Seigneur qui te conduit. Ne soutenez pas sa droite. Il serait qu'on n'a pas sa main droite. D'accord, frère? N'est-ce pas ce qu'il écrit, frère? Alors, avant la marche, avant le début de marche, il y a ce qu'on appelle quoi? Le quoi, frère? Le quoi? Alors, le renouvellement de l'intelligence consiste donc à déprogrammer tout ce que le caractère humain et le monde a programmé. Déconstruire, nettoyer, saccager, briser, afin que tu ne penses plus que l'Esprit Saint-Esprit pense que nous avons déconstruit. C'est ça en quoi consiste le renouvellement d'intelligence. Non, non, non, la Bible dit dans Colossiens, et Romains chapitre 2, verset 1, soyez transmis par le peuple. Mais arrêtons de citer et comprenons. Arrêtons de citer. Oui, oui, la Bible dit, si vous citez le verset 12, chapitre 12, vous allez terminer avec moi. Que soyez transmis par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous savons ce qui est bon, agréable et parfait. On a trois là. Bon, d'abord, on ne connaît même pas d'abord. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Alors, pour comprendre, frère, qu'est-ce qu'il veut dire bon? Donc, depuis que tu suis le verset, tu n'as pas voulu réfléchir, c'est qu'il veut dire bon. Comment avancer c'est agréable, tu ne comprends pas, parfait. Vous ne comprenez pas que dans le processus, il y a encore trois étapes. Le troisième étape nous amène à la perfection pour nous revenir à autre. C'est ça, frère. Alors, l'œuvre chrétienne se passe d'abord commençant par le dépouillement et le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement vient d'abord en premier, parce que le renouvellement, c'est ceci. Souvenez-vous, il nous a transporté des puissances, il nous a délivré de la puissance de ténèbres, il nous a transporté dans le grand Christ et son nom. Amen. Et si Dieu l'a délivré, il l'a transporté. Mais il y a des déchets sur nous. Il dit, vous, les apôtres de haut là-bas, votre rôle, c'est de passer ça sur eux. Vous voyez, n'est-ce pas? On parle de construire, édifier, perfectionner. Vous suivez, n'est-ce pas? Amen. Pour que la nature du Fils se présente en eux. Vous me suivez, frère? Alors, c'est tout naturel, donc vous voyez, au milieu chrétien, un chrétien qui manque tout en te regardant dans les yeux. Pourtant, Colossiens chapitre 3, verset 1 et 10, que vous avez dit que, il dit que ne vous manquez point l'un et l'autre, vous avez été dépouillés de la vie, votre vie nature et de ses œuvres. Pas vrai? Donc, si quelqu'un manque encore, la nature là se trouve encore là-bas. Vous me suivez, frère? Amen. Vous me suivez, soeur? L'autre, il dit, manque, il te regarde dans les yeux comme ça, tu sais que le frère c'est mort, mais pour ne pas le frustrer, tu dis oui aussi. Je vous dis quelque chose, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Il y a une femme qui m'avait appelé de la France. Vous savez, Dieu m'a appris, c'est comme ça que Dieu m'a appris. Même au milieu de vous, par exemple, quand il pose la question, quelqu'un tourne, je reste tranquille. Mais ceux qui sont à côté, il dit, j'ai dit quelque chose à quelqu'un, à telle ou telle personne, il me tourne. Il dit la vérité, je me tourne. Alors, la conversation de l'interroger, comment ça s'est passé dans... il dit, voici le témoignage, mon témoignage. Elle dit le témoignage, mais elle a dit de mentir. Vous voulez témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, vous cherchez la délivrance, mais vous en avez de mentir. Dans son intention, son mensonge, c'est que, on dit que le gars, s'il voit, il veut savoir vraiment qu'il voit. C'est pas moi qu'elle a dit tant que. Quand elle fait ça, c'est que je reste tranquille. Je suis en train de l'écouter. Mais elle a cherché la délivrance. Le Saint-Esprit va avancer dans la délivrance. Maintenant, lorsque le témoignage de la femme est mis sur Internet, une autre femme appelle de l'Allemagne. Oh, Dieu est bon, je vous le dis, Dieu est bon. Je ne sais pas si vous pouvez avoir déjà des discernements. Cette femme appelle, elle dit que Frère Junior, il dit oui. Elle dit que je suis la sœur telle, je vais donner mon témoignage, mais je ne vais pas faire comme cette sœur. Il dit, comment, ma sœur? J'ai compris comment tu lui as posé la question, mais elle est presque mentie. Il dit, comment tu sais ça? Elle dit que je sais. Il dit que moi, je serai ouverte. Elle a posé, et je lui ai posé la question, j'essaie d'entrer ici, je parle ici, je parle ici. Elle a dit la vérité. Séance tenant, le Saint-Esprit a agi dans sa vie. Tu veux le dire? Mais vous voyez, la personne veut la délivrance, mais tu poses la question, comment tu as fait? Et comment tu as fait comme si c'était. Oh. C'est comme ça. On dit, vous ayez été quoi? Dépouillé de la vieille nature. Ne vous mentez point l'un l'autre. Dites-vous les vérités les uns les autres. C'est à ton intérêt. Tu veux me voir dire que je vais dire quelque chose. Mais le Saint-Esprit, je ne te connais pas, on ne se voit pas. Je suis en train de te poser des questions. Il pose des questions. On ne se pose pas la question. Pourquoi il pose cette question? Pourquoi il pose cette question? Et telle chose, comment ça s'est passé ici? Non, là-bas, rien ne s'est passé, vraiment. Donc, et quoi, peut-être qu'on a eu le jeu de ping-pong. Alors, il reste tranquille. Alors, quand on entend que Dieu a délivré telle personne, la personne passe le jeu. Que je l'ai appelé pour moi, Dieu m'a béni. La calomnie commence. Il fait acception des personnes. Je l'ai appelé 3-4 fois. Il me regarde seulement dans les plans. Je lui dis, comment tu vas? Il ne sait pas ce que le Saint-Esprit m'a dit. Reste tranquille, laisse-la. Et au fur et à mesure, vous voyez maintenant, comme elle a menti, la nature de la calomnie s'est manifeste. La haine s'est manifeste. L'épisode s'est manifeste. Là, voilà, on est sur son chemin. Quel est le problème? On n'a pas été renouvelé dans l'intelligence. Quelqu'un qui est renouvelé à son état doit comprendre cette marche. Que Seigneur, ce n'est plus moi qui. Alors, quand celle-ci a appelé, il a dénoncé les œuvres des ténèbres, il a dit que je ne suis pas là pour faire le compromis avec les ténèbres. Dieu a manifesté sa voix dans sa vie. Les gens veulent chercher dans la délivrance, ils cachent l'autre. Je crois que vous étiez ici, je ne sais pas parmi vous, qui était à l'opum lorsque Koum avait amené une essai cousine. Vous tous qui avez été à l'opum, levez-vous. Vous tous qui avez été à l'opum, je vous dis. Vous, ceux qui étaient à l'opum cette nuit-là, quand la jeune fille était en deux, tout le monde s'est tourné vers elle comme ça, elle marchait comme ça. Elle marchait comme ça. Dis-moi, tu avais dit dans ton cœur que c'est mon goût, n'est-ce pas? Vous savez, quand la fille est entrée, vous restez debout. Quand la fille était entrée, vous savez, je suis au milieu comme ça, je vais comme ça là. Quand elle est entrée, j'ai entendu l'enveloppe derrière moi passer. Il dit, il tente de regarder comme ça, il dit, qu'est-ce qui est devant moi? Mais elle marchait, j'ai fait du métier comme avant, je me l'ai fait du milieu. Vous savez, quand elle est venue s'asseoir, il bouge les pieds comme ça. Il bougeait les pieds, dans son pied, c'est les actions de grâce qu'il donnait. Que Seigneur, j'avais cherché parmi ceci, mon goût est entré aujourd'hui. Ah, vous allez me tuer, vous les frères là. Elle allait s'asseoir à côté d'une femme. Vous qui dévorez seulement des mots. Maintenant, c'est vous trois qui avez été seulement cette nuit là. Vous les nouveaux là, vous sortez même de vous tous là. Donc parmi vous tous qui êtes plein de choses, personne n'était là le jour là. Mais elle a dit quand vous êtes les anciens. Hein. Donc elle allait s'asseoir à côté d'une personne. J'ai fini de prêcher, je suis venu vers elle. Elle dit, lève-toi. Il dit, ok, ce n'est pas à toi que je parle, c'est à celui qui est dedans. Je le faisais pour que les frères. En fait, quand ça s'est passé ce soir, le frère m'a dit que si c'était comme ça là, moi je suis plus mon goût. Parce que la fille est belle, le génie fait le frère. Quand elle fait un pas comme ça, boum. Tu dis que toi dans ton cœur, tu dis que je l'aime pas à la fois. Je l'aime pas à la fois. Alors cette tenue là, j'ai dit, je ne sais pas si c'est son épouse, c'est une autre. Ce qui est dit, tend la main sur son ventre. Quand elle a tendu la main, je suis allé quelque part par rapport à cette chose de délivrance ici. Quand elle a tendu la main, vous avez vu comment elle est tombée, c'était le bois, n'est-ce pas? J'ai dit, cette fille-ci, elle est allée, on lui a donné quelque chose et elle a le pouvoir de sélection dans ses yeux. Elle a quelque chose, vous avez remarqué que le Saint-Esprit a dit que qu'elle vient avec quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, asseyez-vous. La prochaine séance, elle est venue. C'est ça qu'il voulait vous faire venir dans ces choses-ci. La prochaine séance, elle est venue, elle s'est assise. Il dit, mademoiselle, lève-toi. Je m'avance vers elle, chaque fois, le Saint-Esprit retourne. Il retourne au milieu, il fait, il regarde, il ne comprend pas. Elle est debout, je vais vers elle chaque fois. Vous êtes sous-mêlée, remarquez ce soir-là. Je vais vers elle chaque fois, je reviens. Et je vais jusqu'à l'année. Elle dit, tu as laissé la chaîne principale. C'est ça, n'est-ce pas? Elle avait laissé la chaîne principale. Donc, tout ce que vous avancez là-bas en disant qu'au nom de Jésus-Christ, quand elle sort, le démon attend dehors. La chaîne principale qui est la chaîne de pouvoir. Je vais aller vers elle. Pourtant, elle a reçu l'instruction. Va prendre ces choses-là et bien pour qu'on puisse s'en débarrasser. La personne va sur la table. Elle fait comme ça. Elle choisit. Le cougar la dérange. Que je dérange. Qu'est-ce que moi, j'ai à foutre avec ces chaînes? Alors, elle a pris notre chaîne. Dans sa tête, on entend ce que, ok, je veux voir s'il sait que j'ai pris seulement cette chaîne. Elle avance, elle dit, tu as apporté cette chaîne, oui. Il va avancer, le Saint-Esprit dit que. Moi, le Saint-Esprit ne dit pas qu'elle a apporté le chaîne. Moi, je sais ce qu'il dit. Tu as laissé notre chaîne. N'est-ce pas, frère? Donc, ok, on vient pour être délivré, pour ne pas être délivré. Maintenant, j'ai quelque chose de ténèbres là-bas. Ça, ce sont des choses de ténèbres. Je dis, je m'en vais à Jésus, mais je laisse quelque chose de ténèbres. Je me trompe ou je ne me trompe pas. Alors, la majorité des chrétiens sont comme ça. Dis à ton voisin, avance dans la vérité. Avance dans la vérité. Il n'y a que deux. Dis à ton voisin, il n'y a que deux. Il n'y a que deux. Ténèbres ou vérité. Ténèbres ou vérité. Mensonge ou vérité. Mensonge ou vérité. Lumière ou ténèbres. Lumière ou ténèbres. Donc, si tu es dans les ténèbres, marche bien dans les ténèbres. D'accord, frère? C'est ce que mon Seigneur a dit, que celui qui pêche, pêche encore. N'allez pas en enfer, on vient te brûler, tu brûles pour l'éternité. On dit que tu as volé quoi? Tu viens voler la viande dans la mamie. Donc, tu viens sur la terre, pas en enfer, à cause du diable que tu as volé. Vole bien. Vole le bœuf, les bœufs, frère. Vole. N'allez pas comme ça. Voler un grand bœuf pour manger bien sûr, ça peut dire que je ne suis pas en enfer. D'accord, frère? Maintenant, si vous voulez être du camp des saints, soyez sains dans toute votre conduite. D'accord, soyez sains dans toute votre conduite. Que la calomnie ne s'attache pas à vous. Parce que si toute fois que vous parlez contre un enfant du Seigneur, sachez que c'est contre le Seigneur en personne que vous allez parler. S'il n'est pas au courant, le Seigneur est au courant. Et souvenez-vous, vous avez votre carnet de notes. Souvenez-vous de cela. Alors, il dit ici que vous avez appris à vous dépouiller égard à votre vie passée. On doit devoir vous apprendre cela dans le Seigneur. Si vous êtes des païens et que vous connaissez en Christ, dans l'une des 1 Timothée chapitre 1, le verset nous dit qu'on nous apprend pas à notre égard comment vous allez abandonner les idoles pour servir. Vous allez abandonner. Vous voyez, séparation. Abandonner les idoles vivantes, les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, n'est-ce pas? Et pour attendre les cieux, Christ Jésus qui va venir pour la manifestation. Donc, vous marchez comme ça dans Christ, vous avez des problèmes dans votre marche, rentrez à la base. Est-ce que j'ai été renouvelé? Comment commence le renouvellement? Écoutez attentivement, soyez attentifs. Comment est-ce que je dois adresser pour que le renouvellement commence? Vous me suivez? J'avance ou bien j'avance? Comment commencer avec donc le renouvellement? Première chose, il faut admettre et accepter que la parole de Dieu prime sur ta vie. Le renouvellement va commencer là. Il faut admettre et accepter que la parole de Dieu prime sur ta vie. Autrement dit, que c'est la parole qui doit gouverner ton cœur, ta vie et toute ta carrière. Si tel est le cas, tu vas passer au deuxième étape. Pour que le renouvellement de l'intelligence commence, il dit que ça commence, que ça débute dans ta vie, il faut admettre et accepter. Je ne sais pas, vous avez juste deux mots depuis. Admettre et accepter. Dans ce livre des gens que nous avons, il a dit que reçoit des paroles de sa bouche et l'accepte dans ton cœur, n'est-ce pas, frère? Il faut admettre et accepter que la parole de Dieu gouverne, prend la charge, est prioritaire dans ta vie, est la seule direction, le seul avis, la boussole. C'est-à-dire quoi? Les préceptes de Dieu régissent ma vie. C'est ce que l'apôtre exprime dans sa parole en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais souvenez-vous, Christ et la parole sont un. C'est pour cela que dans un enseignement ici, je vous avais dit que la quantité de Christ en vous, c'est la quantité de la parole. Vous avez dit ça, pas vrai? Nous y en sommes là maintenant. Quelle parole gouverne ta vie? Quelle? Gouverne ta vie. Quelle parole? La quantité de Christ en toi, c'est la quantité de parole qui gouverne dans ta vie. Alors, l'apôtre Paul dit dans ces Galates, il dit que vous, les enfants là, en Christ, pour qui il y a encore les douleurs de l'enfant. Non, c'est comme s'ils ne sont pas encore nés. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 5, il dit que vous qui deviez être quoi? Des maîtres. Donc vous devez avoir été grandi dans ces choses-là. Vous êtes encore au bas. Au lait. Il dit que vous êtes encore au lait. On est au niveau du nourrisson. Et vous n'allez pas espérer que quelqu'un qui est au niveau du lait puisse marquer les pas comme quelqu'un qui court avec les macabres déjà dans la bouche. Pas vrai, frère? Tu as ton voisin, donc la marche chrétienne. C'est étape après étape. C'est pas ce que vous suivez. Mais tous ont une base fondamentale. Il n'y a personne qui sort des étapes. Tous commencent par, maintenant vous avez reçu en Christ, vous devez être renouvelé pour marcher. D'accord? Ça passe par le renouvellement. Ça passe par le renouvellement. Si vous regardez la vie de l'apôtre Pierre, vous allez remarquer que l'apôtre Pierre est passé par ce processus-ci. Le but pour lequel il est passé ainsi, c'était pour nous montrer ces choses-là. Lorsqu'il a cru au Seigneur, il a marché bien avec le Seigneur. Il suivait le Seigneur quand il était sur la terre. Il était sur ses traces. Mais lorsqu'il faut marcher dans l'esprit de la grâce, il a eu le pied d'achoppement entre la loi et la grâce. Vous savez ça, frère? Il pouvait manger avec les judaïques, mais quand les judaïsants, mais quand les autres viennent, ils s'inclinent un peu, qu'il ne faut pas qu'on voit ici que je mange avec la grâce. Ben là-bas, les autres, les types viennent, comme ça, que vous voyez, Jacques était dit comme ça, pourquoi on ne voit pas que Tite a des volants de parler. L'apôtre Paul observe. Il a dit que Pierre, viens, tiens-toi ici. Si toi qui es juif, tu forces les païens à judaïser, et que toi-même tu fais la même chose que les païens font, pourquoi les poses-tu donc à judaïser? Tu n'agis pas selon la vérité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? Dieu va lui donner la vision en disant c'est que Dieu a déclaré pur. Comme lui ne déclare pas comme impur. C'était suffisant pour renouveler son intelligence, puisque de cette belle manière de penser pour marcher dans la lumière. C'est pas ce que vous comprenez. Maintenant, il marche dans la connaissance. Il dit que j'ai appris du Seigneur. Vous voyez, quand il se connaît, ce qu'il dit là-dedans. J'ai appris du Seigneur de ne regarder personne comme un. Dieu ne veut pas dire ne regarder personne comme un peu. Il a dit ça en parabole dans son langage. Il a compris. N'est-ce pas? Mais pourtant, il était réticent. Celui disait que va chez le connaître, il dit qui, moi? Mais regardez bien comment Dieu a fait opérer là-bas. Qu'est-ce que Dieu a opéré? Dieu a opéré pour changer sa mentalité, pour qu'il puisse avancer. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous pouvez marcher maintenant. Marcher avec les païens. Qui sont chrétiens sans avoir besoin de se culpabiliser devant les juifs, sans commencer à dire ceux de ma nation vont penser quoi. Non, ils marchent maintenant dans la vérité parce que je connais le chemin, la vérité et la vie. Donc, point de marche constant et permanent avec le Seigneur sans des achoppements, sans le renouvellement de l'intelligence. Il n'y en a pas. Mais je suis frère. C'est pour ça que dans cet épisode, chapitre 4, donc il va continuer à dire si vous n'êtes pas dépouillé de cette façon, il va dire que rien d'impur ne sort de votre bouche, aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Donc, ça ne doit pas sortir de nous, chrétiens. Et les chrétiens qui disent que non, frère, je ne lance pas la Bible là. Je vais d'abord l'insulter pour que mon cœur se calme. N'est-ce pas, frère? Je te laisse moi maintenant, tu vas voir mon côté animal. Donc, il faut la délivrance. Comment un chrétien va avoir un côté animal? Comment? Que laisse, je me garde d'abord. Tu te gardes d'abord comment alors que Christ veut te construire? Vous suivez, frère? Donc, lorsque quelqu'un fait comme ça, laissez-le tranquille s'exprimer. Quand il a fini de gâter, vous voyez comment il se calme doucement, finit de se calmer. Vous le laissez tranquille. N'essayez pas quand quelqu'un veut bagarrer. Laissez-le bagarrer. Parce que s'il ne bagarre pas dans la nuit, vous allez pouvoir, il va dormir. Donc mieux, laissez-le bagarrer. Quand il va finir de bagarrer, quand il va revenir à lui-même, il va se coucher. Lui-même va appeler son nom. Il va dire, hé, Chabda, qu'est-ce que tu fais comme ça? Lui comprend que lui-même s'interroge. Après, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? La question, qu'est-ce qui m'arrive, montre exactement ce que la propre de la remonte disait, misérable qui je suis, qui me délivra de ce corps de mort. Donc, si tu peux me bagarrer, laissez le bagarre, observez seulement ce que Dieu va faire. Ces choses-là montrent tout simplement qu'il y a des œuvres qui ne sont pas encore accomplies en cette personne-là. C'est pour cela qu'il s'exprime ainsi. Parce que si cette jeune personne se comme ça, vous le donnez comme ça, un temps, deux, il va quitter avec vous, voir si les chrétiens sont à côté de lui. Il n'y a pas de chrétien, cache la vie, il te donne comme ça, trois. Que je vais te montrer que je faisais le karaté. Quand quelqu'un vient maintenant, il dit que c'est lui qui l'avait attaqué. Après, demain, il va venir prêcher que si ton œil, pourtant, que si quelqu'un était juste, la juge doit te présenter l'autre jour. Alors que lui, on l'a donné un, il a donné trois. Pourquoi? Parce que cette parole-là ne gouverne pas sa vie. Si quelqu'un était juste, la juge doit présenter l'autre jour. Il commence à chercher pour savoir si c'est la parabole que Jésus-Christ disait. Alors qu'il disait vrai que si on te tape sur la joue, tu te présentes l'autre jour. Il a fait ça, lui, il a appliqué ça, lui, mais quoi, là, je fais pas vrai. Alors, cette personne, si la parole ne gouverne pas son âme, son esprit, sa vie, c'est pour ça qu'il peut réagir avec la chair. Et vous ne voudrez pas qu'il agisse autrement, parce qu'il est chair. Il ne doit pas imiter, à vouloir imiter l'esprit, alors qu'il est chair. Donc, sur le tape, il veut taper, laissez-le taper. C'est bien pour lui. Je ne dis pas que c'est bien pour le chrétien d'aller bagarrer. Sa nature, qui est là-bas, veut bagarrer. Mais la nature de Christ, qui a, si c'est à l'intérieur, c'est conçu de la bonne façon, ça ne bagarrerait pas. Alors, s'il veut bagarrer, laissez-le bagarrer la tête pour que frère, vous ne voyez pas qu'il va faire ça, laisse-moi. Quand c'est tourné, il va vous dire que c'est encore le frère ici. Non, c'est plus le frère, c'est le côté animal. C'est le côté animal là que Christ veut déconstruire. D'accord? C'est donc pour cela qu'il va dire dans ses livres des Colossiens, Ephésiens chapitre 4, verset 30 et au suivant, il va dire que toute animosité, toute clameur, tout éclat de voix, toute colère disparaisse. Ça veut dire quoi? Disparaisse. Donc, dans les enseignements, les processus, le but, c'est que ça ne se trouve pas. Il dit, ça ne doit même pas se mentionner parmi vous quand on appelle saint. Voilà la marche. Donc, la marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous. La marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous. Laisser Christ vivre en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous. D'accord? Mais le problème, non, c'est que il y a des pasteurs qui ont des problèmes. Et par conséquent, transmettre ces mêmes problèmes à leurs fidèles. Il y a des fidèles qui ont des problèmes parce qu'ils ne se laissent pas enseigner par leurs pasteurs qui sont envoyés. Voilà, les deux groupes qu'on se trouve. Le pasteur qui n'est pas envoyé, n'étant pas décrit lui-même, pas sauté les classes et le trouvant là-bas, étant l'instructeur, n'ayant pas été instruit à faire ces choses-là. Par conséquent, il peut recevoir que les mauvaises instructions et donner les mauvaises instructions. Parce qu'il n'est pas sous la coupe du Dieu de vérité. Donc, tout ce qui va enseigner là, il va concasser le cerveau des gens, concassant lui-même son propre cerveau. Alors, la personne qui va laisser qu'on l'enseigne de la bonne façon, on lui enseigne des principes de savoir, comme la Bible déclare que, mais celui qui aura plongé les regards dans la parole, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là est heureux. Vous avez vu ça, frère? Donc, on doit se mettre à l'œuvre. Lorsqu'on suit la parole, on doit mettre en pratique. C'est pour ça que Christ a dit, enseigner à observer. Mais on a prêché maintenant le libertinage au point où on dit maintenant, si tu veux accepter ce qu'il dit, je n'accepte pas. Mais la parole de Dieu donne plutôt les instructions. Je veux que tu permets la Bible de regarder, il parle de ça un instant. Si vous lisez la Bible de la bonne manière quand les apôtres prêchaient, si vous lisez, ah, vous allez chez la gauche, je connais, ou vous assistez à ces réunions, si vous tenez derrière et vous voyez, vous observez au sein du descendre sur les croyants, la voix que vous allez entendre va tourner en commandement. Lorsque l'apôtre Pierre parlait, que le Saint-Esprit descendu sur les croyants, sur les foyers là-bas, la voix qui va venir par la suite va tourner sous la forme de commandement. Baptisez-les. D'accord, frère? La voix qui va sortir va tourner sous la forme de commandement. Baptisez-les. Luc étant dans l'esprit, a entendu baptisez-les. Il ne dit pas baptisez-les. Il dit ce que l'apôtre Pierre dit. On dit en français que ça, c'est le style indirect. Donc, il a dit que l'apôtre Paul, Pierre ordonna qu'il fût baptisé. D'accord, frère? Alors, si Pierre a ordonné qu'il fût baptisé, alors en style direct, qu'est-ce que Pierre a dit, frère? Baptisez-les. Vous voyez une possibilité de discussion ici? Non. Dis à ton voisin, on doit marcher dans la vérité. On doit marcher dans la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous allons sur Corné ces jours-là, je ne sais pas si quand je peux vous faire voyager tout simplement. Voilà, si nous allons sur Corné, nous tenons en langue de toi, pendant que la cour de Pierre a parlé, vous le suivez, et vous là-bas, t'es là-bas. Quand ça s'est passé, il était étonné, il bougeait, il regardait. Quand il a fini de regarder, il a dit, ah, à l'instant, il a compris. Il a dit, baptisez-les. Il a tourné. La voix qui est sortie, c'est la voix du commandement. Cette voie du commandement ne donne pas place à la pensée humaine ni aux pensées humaines à mettre en pratique, mais doit suivre le commandement. Donc, la parole du Seigneur, lorsqu'elle sort pour nous instruire, c'est pour notre bien et c'est la direction et la seule que nous devons prendre. D'accord? Et par conséquent, nous n'avons pas place à nous instruire selon notre propre voie, mais selon la voie qui a été tracée pour nous. Alors maintenant, nous avons un problème aujourd'hui. C'est que nous pensons que nous pouvons penser mieux. Nous pensons que Dieu a donné l'opportunité que chacun pense comme il veut. Voilà pourquoi vous voyez les débats chrétiens aujourd'hui. Vous voyez sur un même plateau. Comment tu vas? Bonjour frère, oui, tu es évangéliste. Bonjour apôtre de telle église. Bonjour apôtre de telle église. Bonjour prophète de telle église. Tous, il y a apôtre, évangéliste, prophète. La femme peut-elle enseigner? Moi, je crois que oui. Apôtre, oui. Non, moi, je pense que la femme ne peut pas enseigner. Prophète, moi chez moi, les femmes enseignent. Frère, et devant se trouve la Bible. Mais chacun dit, moi, je pense que... Chacun a devant quoi? La Bible. Mais chacun dit que moi, je pense. Voici donc le problème donc, qui se trouve donc à ce milieu. C'est moi. Nous pensons ici que c'est ça qui fait que chaque personne pense ce qu'il peut penser. Et on pense que Dieu a laissé la pensée de n'importe qui dire ce qu'il pense. Dis à ton voisin, Dieu a tout pensé. Vous n'avez pas à penser. Vous avez à suivre ses pensées. C'est parce que vous suivez. Le Seigneur a déjà instruit des choses, n'est-ce pas? Nous devons nous dépouiller. Donc aujourd'hui, quelqu'un dit non, moi je ne trouve pas de mal à cela. Dis à ton voisin, tu ne dois pas trouver de mal à cela. Même si tu ne comprends pas. Dieu dit qu'il trouve du mal. Voilà. Donc quand il dit, on va vous enseigner à vous dépouiller et regarder votre vie passée. Voyez, quelqu'un est chrétien, les femmes particulièrement, elle sort du monde, elle vient, elle a tué les rouges à lèvres ici. Ici, elle peint en bleu, elle envoie ça en l'air. On ne lui dit rien. Le pasteur ne lui dit rien. On dit non, c'est bon. Dieu regarde au cœur. Du monde est ici, son cœur a changé. Non. Voilà. C'est le même cœur, n'est-ce pas? Amen. Il dit, Dieu regarde au cœur, regarde au cœur, il voit la même prostitution que dans le passé. Il dit, eu égard à votre vie passée. Eu égard, vous devez, on doit vous enseigner. Il n'a même pas dit enseignement là-bas, il dit qu'on doit vous s'instruire. Donc ce sont les commandements. Donc en milieu chrétien, comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises le servent. On ne discute pas. Pourquoi je dois faire comme ça? Parce que tu es en Christ, tu es pas en Christ, sors. Parce que les gens, les enfants en Christ doivent marcher dans l'obéissance. Si on marche dans l'obéissance de cette façon-là, on n'aura pas de tels traits-là. Donc, les problèmes de l'amertume, de ceci, les problèmes du dépouillement-là, c'est parce que nous, les prédicateurs, ne faisons pas notre rôle. D'un côté, de l'autre côté, les gens ne se laissent pas enseigner, de l'autre côté. On croit que si je suis l'instruction, je peux suivre ce qui me plaît dedans. Et l'autre qui ne me plaît pas, je laisse. C'est pas cela. Comme il a dit, repentez-vous, que chacun vous soit baptisé, il dit, je me repens. Pour le baptême, là, j'attends. Alors, quand le jour où tu as convenu, tu vas recommencer par la repentance. Parce que tu n'es pas à repentir. Parce qu'il a dit, si tu te repens, tu dois te baptiser. Ouais, n'est-ce pas? C'est l'ordre. Il ne peut pas changer ça. Après, tu restes là, tu dis que, et s'il n'y a pas l'eau, ou pour le moment, il y a l'eau. Repente et baptise-toi. Et ceux qui sont dans les endroits où il y a le glaçon, qu'on va faire, pour le moment, tu es à dans la rue, il fait chaud. Il y a quand même. Si on est dans le désert, laisse le jour où tu arrives à le désert, baptise-toi avant d'y arriver. Donc, lorsque l'instruction est donnée, ça ne donne pas place aux discussions. Toute personne qui va vouloir discuter ses pensées ne peut pas se renouveler parce qu'il confond ses pensées avec ma parole. C'est ça qu'il a dit que heureux les humbles. Les humbles. C'est aux humbles qu'il révèle ces choses-là. C'est pas ce que c'est ici. Donc ne soyez pas scandalisés que les gens qui se disent chrétiens ont des manifestations d'un certain caractère. Les problèmes sont nés de ces choses-ci comme nous avons vu là-dedans. D'accord? J'espère que j'ai bien expliqué l'étape entre la croyance et le dépouillement. Dans ce dépouillement, donc, la marche est en dents de scie pour certains parce que ces choses du départ ne sont pas passées. D'accord? Alors la nature de Christ ne peut pas s'exprimer. Dans certaines mesures, ils vont manifester une nature, mais l'ancienne nature va venir. C'est pour ça que vous allez voir dans 1 Corinthiens, on dit qu'on raconte qu'il y a parmi vous-même de l'impurité au point où ça se nomme même pas chez les païens. Or, il a parlé de chez les païens, mais il dit que ce qu'on dit chrétien se trouve dans les impurités au point où quelqu'un a la femme de son père. Où est-ce là? Ils s'opposent à. Il dit qu'ils sont dans le. Donc chacun vient à l'église, il pose la main sur la tête, il dit que non. La dépendance, c'est manga. Parce que l'église. La pauvre dit que mince. Il dit qu'on soit livré à Satan. Or, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Il croyait peut-être que quand Christ nous a approchés, nous sommes sur la liberté. Oui, nous sommes sur la liberté, pas le libertinage. Parce que cette chose-là, dans ce chapitre ici, il dit que tout lui m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne laisserai pas assurer par quoi que ce soit. C'est ça. Alors, il va leur expliquer ça dans 2 Corinthiens, la personne va se repentir. Parce que la personne ne savait pas qu'il y avait une marche à faire. Vous voyez, c'est là. Donc, la faute peut venir du moment où les gens n'ont pas reçu l'enseignement. Mais ceux qui veulent grandir le Seigneur doivent accepter l'enseignement et avancer comme ça. D'accord, frère? Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que lorsque vous marchez sur la sainte voie sainte, sur la voie sainte, Satan va marcher à côté de cette voie sainte, il dit, tu me laisses. Et puis, j'ai dit, cette marche, Satan va le dire, c'est pas de cette façon, c'est le combat, n'est-ce pas? Il attaque. Alors, la troisième forme de marche maintenant, c'est le combat. Au chapitre 6, donc, il dit que nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Donc, dans la marche chrétienne, il y a le combat. D'accord? Donc, on marche en combattant. C'est ça, frère. Autrement dit, ce que tu as laissé comme dépouillement, Satan va vouloir te proposer ça de différentes façons. Que prends ceci, tu vas voir que ça c'est bon le combat. Tu auras le combat avec la chair, avec ses amis, avec tes frères, avec tes patrons, avec tes patrons. Le combat d'ordre spirituel. On dit que c'est le combat d'ordre spirituel. Il parle de la vérité parce que un moment donné, il va te présenter le compromis. Tu dois avoir la vérité pour sentir. Tu vas c'est dans l'emploi, on va vouloir faire la corruption, il va falloir que tu manges dans la vérité là-bas. Même si par contre, tu dépouilles de ton trône et de la gloire momentanée. Tu dois marcher dans la vérité. Et à votre tourner la vérité pour sentir. Voilà le combat spirituel réel du chrétien. La marche en combattant. Contre les effets de ce monde-ci dévastateur de Lucifer. Maintenant, on a ajouté dans ces armes qu'on a besoin d'avoir le feu. On a ajouté le feu avec le sang de Jésus-Christ pour faire boire le monde. Alors que la marche dans la sainteté de façon irrépréhensible fait du Saint-Esprit ton compagnon permanent. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. La nature des enfants. Dieu, la nature des chrétiens. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Notez par la suite Romains chapitre 6, vous lisez doucement, du verset 1 jusqu'au verset 20. Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 20. Romains chapitre 8, verset 1 à 32. Donc, posez-vous toujours les questions. Mes pensées sont-elles renouvelées? Si c'est ça, vous dépasse, vous posez ça autrement. Est-ce que ma vie vraiment est gardée par la parole? Est-ce que journalièrement, est-ce que ma vie c'est une manifestation? Parce que la Bible déclare à ces gens-là que mettez en pratique la parole. Est-ce que dans ma vie quotidienne, j'accepte d'être gouverné par la parole? Si c'est non, revenez à l'ordre. D'accord? Des questions, frère? Oui. J'ai une question là. Je voulais demander. Je voulais demander si. Comment savoir qu'on a tel don? Si le monsieur veut savoir, c'est Dieu qui révèle ça. Pose la question, frère. Comment savoir qu'on a tel don? Oui. Et si. Pourquoi le sache? C'est que le Seigneur qui peut le dire. Je suis quel sexe? Masculin. Qui t'a dit ça? Comment? C'est bien expliqué pour quelqu'un qui est choisi homme ou pas. Qui simplement commence à voir un homme ou pas. En voyant. Tu es sûr que tu es un homme? Si tu pars en France, on se tient là-bas en Allemagne. Est-ce que tu peux prouver devant les Allemands que tu es un homme? Tu peux prouver? Il est sûr de ce qu'il dit, frère. Tu es en Allemagne ou en France, je tiens le récit. Est-ce que tu peux dire que tu es un homme? Quand tu dis ça, comment tu vas prouver que tu es un homme? Mais là-bas, il y a des femmes qui disent qu'elles sont des hommes. Il y a des gens qui ne savent pas si qu'on aime même ça. Tu connais ça? Ok. Pour nous, tu n'es pas transsexuel. Quand tu vois transsexuel, il te dit que tu as trouvé une opération. Assieds-toi, frère. Comment savoir qu'on a reçu quel don? Est-ce que c'est Dieu qui nous a donné? Est-ce que c'est bon par Dieu? Vous avez lu la prophétie donnée à Timothée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? Quand ils nous ont fait la reçu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? Tu vas se présenter à l'étude par rapport à l'exaltation. Lui dit quoi? Que il doit aussi se présenter à la. Quand il parle de timidité, il dit quoi? Parlant de timidité, son esprit de timidité, qu'est-ce qu'il lui dit? Romains chapitre 1, disons d'abord, on va voir la sixième partie, la septième partie des dons et appels, d'accord? Comment connaître distinctement son don et son appel. Mais permettez-moi de vous lire quelque chose parce qu'il parlait de Timothée, puis c'est venu. Prenons Romains chapitre 1. Romains. Mais peut-être même ça vous êtes sur une autre Bible, mais disons quoi. On y va. Vous savez que quand Moïse se lève là, on sait qu'il espère que le Père vient là-dedans. Vous direz, allons-y, à partir du verset 1 du chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Oui. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concernait son fils né de la prospérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui Aaron, son bien-aimé, de Dieu appelé à être saint. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Oui. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir. Écoutez. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Stoppez là-bas. Qui parle, frère? Paul. M'avez-vous déjà entendu dire un jour que les prédicateurs envoyés de Dieu ont les dons, possèdent les armes offensives et défensives? Vous m'avez entendu dire cela? Il dit qu'il désire voir et prie d'abord dire que Dieu nous donne la volonté pour la porte qui vient là-bas. Les gens ont encore le verset 10 et 11 d'abord. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affinés. Affermis. Pardon. Vous savez ce que mon grand-père dit là? Vous savez ce que mon grand-père dit, frère? Qui décide que tu ouvres les portes qui partent avant pour faire quoi, frère? Pour qu'il soit comment? Affermis. Fermez la Bible. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.